Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour le retour du podcast du Fan Club français des New England Patriots. Je suis ravi de vous accueillir pour ces podcasts de la off-season. D'abord, quand même pour, veuillez nous excuser quand même pour la fin de la saison dernière où la deuxième partie de notre émission a craché et on n'a pas pu vous la faire écouter. Bon, en tout cas, voilà, nous on est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Le podcast, c'est reparti et on va bien sûr parler dans les prochains podcasts de la off-season. Alors, pour m'accompagner sur cette première émission de la nouvelle saison, il fallait qu'on retrouve celui qui est le surnom maintenant le spoiler de sommaire. J'ai nommé Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Et pour nous accompagner également, qui dit Free Agency, et on évoquera aussi un peu la draft dans notre émission, il fallait, on dit de lui que l'homme, il ne dort plus depuis 3 semaines, tellement qu'il étudie les prospects, les tours de draft, il fait des centaines de mock draft. J'ai nommé Ali. Bonsoir Ali. Bonsoir Cédric, bonsoir Romain, ravi d'être parmi vous pour cette nouvelle émission, pour cette reprise. Au sommaire de cette nouvelle émission sur la off-season, nous allons parler entre autres de la free agency à quelques jours aussi de la draft. On va analyser la free agency, on va parler des plus gros mouvements, on va parler du trade de Jones, du recrutement de Martellus Bennett, du recrutement d'Hogan, la signature de Tom. Je demanderai à mes invités d'intervenir s'ils le souhaitent sur les autres mouvements de la free agency. En troisième partie de l'émission, nous parlerons des postes qu'il faut recruter lors de cette draft qui arrive dans quelques jours. Nous, on enregistre mardi soir, le début de la draft étant jeudi soir. Nous sommes à quelques jours, nous avons posé des questions sur quel poste. Et enfin, je demanderai à mes invités un élément marquant concernant la free agency de la NFL. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne émission. Le Fan Club français du New England Patriots, épisode off-season, c'est parti. Le plus gros mouvement de cette free agency concernant les New England Patriots, c'est le trade de Chandler Jones, le defensive end des Patriots, qui a été tradé contre un deuxième tour et contre le garde Jonathan Cooper des Cardinals. Alors, trade surprise, parce que personne ne s'attendait à ce départ de Jones, même si il y avait eu quelques mésaventures en fin de saison dernière, notamment avec de la marijuana synthétique. Et puis en compensation, Jones, qui est un garde qui sort d'une saison blanche, ce qui va ravir évidemment notre cher président que l'on salue, de recruter un joueur qui sort d'une longue blessure. Alors on va commencer. Messieurs, Romain, ton avis sur ce trade? Moi je trouve que tout bien considéré, le trade n'est pas si mal. Il faut avoir à l'idée que c'est un joueur à qui restait une seule année de contrat, que compte tenu des autres joueurs à qui il reste également une seule année de contrat, on allait vraisemblablement pas pouvoir re-signer, qu'il y a eu un certain nombre de problèmes de comportement. T'en as parlé, le dernier, voilà, il s'est retrouvé devant un poste de police à la veille d'un match de play-off. Je pense que compte tenu des problématiques des Patriots sur la discipline depuis quelques années, ils n'ont pas tout à fait dû apprécier. Et puis je pense que, dernier point, c'est un mouvement qu'il faut lier, et on y viendra ensuite à l'arrivée de Chris Long. Je pense que quand ils ont fait le trade, ils avaient plus ou moins un accord de Chris Long pour venir. Donc c'est pas on perd un joueur, c'est on le remplace, certes par un joueur sans doute moins fort, mais on récupère un deuxième tour et un garde, ce qui est quand même une bonne contrepartie pour quelqu'un qui restait là encore un an de contrat. Ali, ton avis? Écoute, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un trade assez cohérent, assez intelligent en termes de team building à long terme, sachant qu'il aurait certainement pas été prolongé. Voilà, donc on récupère un deuxième round et on récupère Jonathan Cooper. Donc on verra a posteriori si ce trade aura été fructueux. En fonction de ce qu'on aura fait de ce deuxième round et en fonction de ce qu'on arrivera à retirer de Jonathan Cooper. Mais je trouve que c'est assez intelligent et voilà, le fait d'avoir synchronisé ça avec l'arrivée de Chris Long, je trouve que c'est pas mal joué. Alors, Jonathan Cooper, qui pour préciser qu'il est dans sa dernière année de contrat, donc c'est un move sans risque du côté des Patriots. On verra si sur une saison il tient, auquel cas on pourra le prolonger sur plusieurs saisons. Soit effectivement il ne revient pas de blessure, il revient mal de blessure, et auquel cas bon, ben, ça sera terminé pour lui avec les Patriots. Maintenant aussi on récupère dans l'histoire un deuxième tour. Au vu de la saison dernière de Jones et de son nombre de sacs, j'aurais m'attendu quand même à un premier tour. Alors après, c'est vrai que c'est les Patriots qui ont cherché ce trade, qui ont appelé les Cardinals en disant « Voilà, Jones est disponible, qu'est-ce que vous proposez ?» Je suppose que les Patriots, quand ils l'ont appelé, ils avaient déjà en tête Cooper. Donc c'est un choix volontaire, je pense, des Patriots d'aller chercher ce garde. Est-ce que c'est un bon choix ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller chercher un petit peu plus haut, un début de deuxième tour, voire une fin de premier tour ? Ça, c'est la vraie question. Après, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Le trade s'est fait parce qu'il y a eu derrière l'accord aussi avec Chris Long. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Pareil, Chris Long qui a un contrat d'une seule saison. S'il fait une très bonne saison derrière, on espère pouvoir le re-signer sur plusieurs saisons à coût moindre. C'est plutôt des choix judicieux du côté des Patriots. On en reparlera tout au long de l'émission. Mais les moves qui ont été faits de la part des Patriots, c'est sur de très courtes durées parce qu'on sait que la prochaine off-season va être très difficile avec la prolongation notamment entre Collins, Hightower, Butler notamment et Jamal Chase, qui va être très compliqué à gérer du côté des Patriots. Donc on a fait des moves pour libérer beaucoup de salary cap pour l'année prochaine et en même temps être hyper compétitif pour cette saison. Donc c'est plutôt un move intéressant. Maintenant on verra bien ce que ça va donner. Messieurs, justement, on parlait de Chris Long, un petit mot par rapport à ce que vous connaissez de lui, de ce qu'il a pu évoluer au Rams, même s'il sort d'une saison assez faible. Ça aura vraiment un impact pour les Patriots d'apporter cette expérience aussi de Chris Long, Ali ? Bah écoute, moi je trouve que ça peut être un deal gagnant-gagnant, sachant que c'est quand même un vrai bon joueur depuis un certain nombre d'années, ancien premier tour, et que contrairement à toi, je pense que ce serait plus un contrat d'une année dans la perspective de se relancer, sachant qu'il a quand même eu deux saisons galères, si je ne dis pas de bêtises. Mais je pense que c'est un bon coéquipier de vestiaire et je pense qu'il a la mentalité. Et je crois qu'il a une parenté avec la ville de Boston, donc je pense qu'il va être à la hauteur de ce qu'on attend de lui sur une année. Après, de là à le renouveler, je ne suis pas sûr qu'on en aura la possibilité. Mais je trouve que ça peut être une bonne acquisition sur un an. Romain ? Ouais, je partage. Effectivement, il sort de deux saisons très perturbées par les blessures, même s'il a joué 12 matchs l'an dernier. C'est un joueur qui n'était pas... je crois qu'il s'était fait les croisés, notamment, qui n'était pas à 100%. Là, on ne va pas lui demander la même chose. On ne va pas lui demander, contrairement à Saint-Louis, enfin à Los Angeles maintenant, d'être titulaire. On va lui sur un certain nombre de snaps relativement limités. Et je pense que justement, un joueur un peu plus âgé, sur des snaps limités, il peut nous apporter le maximum, justement, sans avoir de problèmes de physique trop récurrents. Et surtout, si je peux ajouter un mot, ce qui peut aussi nous apporter, c'est son envie de gagner, son envie de titre. Ce qu'on reprochait un peu à Jones, c'était d'être très productif pendant la saison et de décliner au fur et à mesure de la saison et d'être quasiment inexistant en play-off. Donc si c'est un contrat d'une année dans l'optique d'aller chercher un titre, je pense qu'il peut nous apporter ça en gérant bien son volume de jeu au fur et à mesure de la saison. Je pense que dans cette optique-là, ça peut être intéressant. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il a pris moins. Je crois qu'on lui a proposé un contrat avec plus d'argent ailleurs. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même pris un pay cut pour venir. Ça, c'est toujours bien parce que ça veut dire que c'est des mecs motivés, c'est des mecs dont on n'a pas à se préoccuper. Et je pense que ça va stabiliser un petit peu le vestiaire et c'est plutôt positif. Bah écoutez, on va voir ce que ça va donner aussi au niveau des camps parce que. Il faut rappeler que, quelle que soit la signature qu'on évoque, toutes les signatures qu'on évoquera au cours de cette émission, il y a aussi les camps à passer. Donc, on peut se réjouir tant tel ou tel joueur qu'on a recruté, qui est potentiellement un potentiel sur un an ou deux ans. Il suffit que le joueur rate les camps et les Patriots peuvent très bien le cuter. Hein. Donc, on en parlera sur d'autres joueurs, notamment. Après, faut-il que ces gens-là passent les camps ? Je ne me fais pas trop de soucis sur Long, mais il faut bien aussi garder ça en tête. Enfin, juste un tout dernier point, je le disais un tout petit peu, mais Il faut bien avoir à l'esprit que de toute façon, ça sera vraisemblablement notre 3 ou 4e defensive end, puisque je pense qu'on va quand même démarrer la saison avec Sheard et Ninkovic comme titulaire. Donc on lui demandera vraisemblablement moins, en tout cas, que ce qu'on lui demandait à Saint-Louis. Et justement, le camp sera intéressant parce qu'on oublie qu'on a trois rookies en fait, qu'on n'a pas beaucoup vu l'an prochain, mais dont on attend beaucoup. Geno Grissom, Trey Flowers qui avait été très bon pendant la pré-saison et qui s'était malheureusement blessé. Et la surprise, ça avait été Rufus Johnson, qui sortait d'un peu nulle part et qui avait fait également une bonne pré-saison. Voilà, il va y avoir pas mal de répartitions, je pense. Et ça sera intéressant à suivre. L'autre gros mouvement aussi, donc maintenant de cette free agency, c'est l'arrivée de Martellus Bennett, un nouveau tight end dans les New England Patriots. Va-t-on retrouver cette arme qui avait fait tant rêver les supporters des Patriots à l'époque de Gronkowski et Hernandez? Le retour à l'attaque à deux tight ends avec Gronkowski et Bennett. Alors, rapidement pour parler du trade, Bennett arrive avec un sixième tour de draft contre un quatrième des Patriots. Alors messieurs, l'arrivée de Bennett, est-ce le retour à cette fameuse attaque à deux tight ends qui sera aussi performante et qui nous fait tous saliver? Romain. Alors, oui et non. Oui, on va revoir beaucoup plus de sets avec deux tight ends, mais non, ce sera pas du tout comparable à ce qui existait avec Gronk et Hernandez, tout simplement parce que la force de Aaron Hernandez, c'était souvent de partir du backfield et d'être une espèce d'hybride entre un tight end, des fois, et des plays presque de running back. Or, Martellus Bennett, c'est pas du tout un joueur comme ça. L'avantage qu'on a, c'est que c'est un bon bloqueur et c'est un très bon receveur de passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on n'aura pas toujours besoin de mettre Gronk en position de receveur écarté. On pourra jouer avec deux tight ends beaucoup plus proches des joueurs de ligne et ça devrait rendre nos jeux beaucoup plus imprévisibles. Et de ce point de vue-là, je pense plus pour l'attaque. Ali, quel est ton avis? Bah écoute, ouais, je suis assez d'accord, dans le sens qu'on peut pas vraiment comparer les caractéristiques de jeu d'Hernandez et de Bennett. Voilà, donc on aura peut-être moins d'explosivité également, mais voilà, c'est plus dans l'idée d'avoir le clone enfin plus ou moins le clone de Gronkowski, ce qu'on avait tenté l'an dernier avec rafraîchissez-moi la mémoire. Chandler? Chandler, exactement, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Voilà, ça peut être, ça sera pas le même rendement qu'avec Hernandez, mais ça peut être vraiment très intéressant, notamment dans l'optique de pouvoir enchaîner beaucoup d'attaques accélérées, c'est-à-dire de garder à peu près le même personnel sur le terrain et de pouvoir voilà jouer sur l'imprévisibilité des jeux, quoi. Pouvoir alterner le jeu de course et le jeu de Ben moi, je passe. pense que c'est intéressant aussi de notre part. Donc, vous parlez effectivement de l'imprévisibilité, mais aussi à la fois d'attirer encore plus de défenseurs sur nos tight ends, parce qu'il suffit qu'on mette ne serait-ce que les deux, sans forcément à chaque fois viser les deux tight ends. Ça va permettre de rendre disponibles encore plus nos receveurs, donc que ça soit Edelman, que ça soit Amendola Hogan, ou oui. Hogan exactement. Je pense que de ce côté-là, ça va être encore plus compliqué pour les défenses de s'adapter à tous les personnels que va pouvoir mettre les Patriots. Parce qu'ils sont tous là, capables de recevoir des passes. Donc de ce côté-là, ça va être hyper intéressant. On va avoir, je pense, pour les Patriots, un jeu beaucoup plus aéré, beaucoup plus de défense un contre un. Donc chacun va être face à son vis-à-vis. Ils vont être moins doublés, moins couverts peut-être de zone, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de joueurs à couvrir. Donc je pense que de ce côté-là, ça va être hyper intéressant. Maintenant, attention, il y a toujours ce risque-là. Ce sont des joueurs où on parle de passe. On ne parle pas encore de running back. Mais ça, on en parlera plus tard dans l'émission. On parle beaucoup de jeu à la passe, de jeu aérien. Attention qu'on ne devienne pas une mono-attaque. Mais sinon, l'arrivée, je pense, de Bennett est quelque chose de très positif. Espérons maintenant qu'il s'adapte au jeu aussi des Patriots et qu'il arrive à comprendre la complexité du playbook de celui des Patriots. Ouais. Et ça aussi, c'est une vraie épreuve pour lui. Effectivement, effectivement. J'en ai parlé il y a quelques secondes. L'arrivée aussi des New England Patriots, de Chris Hogan, le restrictif free agent des Bills, le receveur de petite taille concernant les New England Patriots. Alors, on peut le comparer effectivement Amendola. À un moment donné, justement, avec l'arrivée d'Hogan, on s'est demandé si Amendola n'allait pas partir. Pour moi, Amendola est toujours là. De toute façon, c'est la rumeur dans l'éternel du départ d'Amendola des Patriots. Alors, en tout cas, nous, on va se concentrer sur Hogan. Alors, messieurs, est-ce que cette arrivée de Hogan, qui est pour 3 ans, si je ne me trompe pas, est une bonne chose pour les Patriots et de s'assurer encore un joueur de qualité? Romain. Alors, oui, pour deux raisons. Déjà, un, tu dis qu'il est petit. Bon, il fait quand même 1m85. Je veux dire, c'est quand même un peu plus grand qu'Edelman. Et deuxième chose, on n'a plus, malheureusement, mon grand ami Brandon Lafell, qui nous a quittés. Et on avait du coup besoin d'un receveur un peu plus profond. Et Hogan, c'est le rôle qui remplissait pas mal l'année dernière avec Buffalo. C'est un joueur qui est assez à l'aise sur les passes longues. Et je pense que du coup, c'est un aspect de l'équipe qu'on n'avait pas trop. Je veux dire, à part Gronk, qu'on n'avait personne pour aller chercher vraiment sur des bombes. Et effectivement, Hogan peut essayer d'étendre un peu l'attaque de l'équipe. Et du coup, de ce point de vue-là, il correspond vraiment à un besoin. Ali, ton avis sur l'arrivée d'Hogan? Écoute, je suis assez d'accord parce que je pense que c'est un joueur qui est un petit peu dans le creuset de ce qu'on recherche un petit peu prioritairement, à savoir des slot receivers, mais qui en même temps a une palette de jeu plus fournie et plus intéressante. En ça, je dirais si j'osais, je dirais que c'est un peu le Amendola 2.0. Sachant qu'il a un peu plus de taille et qu'il est un peu meilleur en jeu profond. Et une de ses caractéristiques aussi, c'est son intelligence dans la lecture des défenses, qui fait qu'il arrive souvent à se démarquer assez rapidement par cette intelligence de jeu. Donc je pense que ça peut être un apport intéressant. Je suis assez d'accord avec ton avis. Ali, je pense que c'était un apport extrêmement intéressant de la part des Patriots et extrêmement bien joué de l'avoir piqué aux Bills. Et intelligent aussi au niveau de sa structure salariale, parce qu'on reste, je crois, sur 3 ans à 4 millions par an à peu près, ce qui reste un petit peu dans le barème salarial que Bill essaie de ne pas dépasser pour ses receveurs, sachant que pour Amendola, il est allé un peu plus loin. C'est ce qui a, je pense, lancé les spéculations sur un éventuel trade. Ça, on verra. On peut pas prévoir. Non, et puis je crois qu'en parlant de la structure de contrat, c'est la première année qui est la plus forte. Nous aussi, pour pouvoir nous libérer du salary cap pour exactement. Les années suivantes. Et c'était aussi une stratégie de front-loader, comme on dit, son contrat pour que, comme on l'a récupéré en tant que free agent restreint. Ça a permis aux Patriots d'éviter que les Bills puissent s'aligner sur l'offre. En fait, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il a 5,5 millions la première année. Donc c'est un mouvement assez intelligent. Et pour finir alors sur les gros mouvements de cette free agency de la part des Patriots, il fallait évidemment parler de Tom Brady et sa prolongation de 2 ans. Ce qui l'amènera, je crois, si je dis pas de bêtises, à au-delà de 40 ans chez les Patriots. Alors, messieurs, la prolongation de Brady. Déjà, un, qu'est-ce que pour vous ça signifie? Et deux, est-ce que c'est une bonne chose? Romain. Oui, c'est une bonne chose, bien sûr. Après, effectivement, c'est difficile à dire à ce stade, tout simplement parce que compte tenu de son âge, il est clairement pas exclu qu'il parte à la retraite avant la fin de son contrat. Moi, j'essaye de pas trop interpréter. Je pense que c'est plutôt une manière d'essayer d'arranger les Patriots en matière de salary cap, en poussant de l'argent pour plus tard, en transformant des fois du salaire en bonus pour justement faire baisser la charge sur le cap. Enfin, j'y vois pas grand-chose, si ce n'est des moyens d'essayer de maximiser l'espace qu'on a pour signer des free agents. Ali, ton côté, leur signature Tom. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas très étonnant. C'est un petit peu dans la routine des prolongations de contrat de Brady, sachant que traditionnellement ils s'y prennent 2 années à l'avance. Donc après, Bon, sur la possibilité qu'il aille à l'issue de son contrat, voire éventuellement au-delà, on peut effectivement pas prévoir. Lui a l'air assez souvent, quand on l'entend, a l'air assez sûr de lui en termes de quant à sa longévité. Après, voilà, on peut pas vraiment prévoir, mais je pense que si jamais il devait s'arrêter avant, je pense qu'on pourrait, enfin, il pourrait se séparer à l'amiable. J'ai pas vu les montants garantis au-delà des 2 prochaines années, mais je pense que c'est voilà un mouvement assez voilà assez classique et je pense que c'est quand même une bonne chose. Enfin, à ceci près, enfin, je pense que il y a juste Jimmy Garoppolo qui doit pas partager notre avis, parce que du coup, pour ceux qui pensaient le voir comme le successeur de Brady, là, pour le coup, ça prend un peu de plomb dans l'aile. Donc, ça sera intéressant à surveiller. Ça sera à surveiller d'autant plus. Alors, on en va parler. On s'écarte un peu de la free agency, mais par l'actualité toute chaude. Brady sera suspendu pour les 4 premiers matchs de la saison. Donc, on va voir Garoppolo à l'œuvre pendant les 4 premiers matchs de la saison NFL. Techniquement, pour Garoppolo, ça sera le jeu pour lui cette saison. Donc, ça sera pas. On va avoir, lui de montrer s'il est capable de prendre la relève de Tom Brady. Est-ce qu'il va être capable à un moment donné, peut-être pas cette année, mais. Imaginons l'année prochaine d'aller le titiller peut-être un peu plus pour, eh ben, qui sait, prendre sa place parce que ben, Brady sera moins bon, que lui aura montré sur ses 4 premiers matchs qu'il était au niveau. Ou peut-être que ça sera un élément pour trader Garoppolo pour récupérer un premier tour de draft très haut placé, par exemple. Tout est possible. Ouais, je pencherais plutôt pour la deuxième hypothèse. Je vois mal les Patriots prendre voilà, le risque de trader Brady, sachant que je ne vois pas de déclin dans les 2 prochaines années, sauf si malheureusement il lui arrivait quelque chose. Bon, ça, on ne peut jamais prévoir. Mais je pense que ça sera plutôt, enfin, sous réserve que la suspension soit finalement confirmée, parce que je crois que tous les recours n'ont pas été épuisés. Je pense que ça sera une belle fenêtre d'exposition pour dans l'optique d'un trade, peut-être l'an prochain. Je vois plutôt ça comme ça. Alors après, j'ai pas parlé de trade de Brady, hein, soyons bien clairs Oui, là-dessus. bien sûr, bien sûr. C'est plus potentiellement placer Brady vers la retraite, pousser Brady vers la retraite. Comme ça a pu être fait avec un certain Drew Bledsoe, où au final Brady a pris sa place suite à la blessure et au final ça a été comme ça que ça a été conduit plus ou moins à la retraite. Donc est-ce que ça pourrait prendre la même structure? Ce n'est pas impossible. Le juge de paix sera les quatre prochains matchs. À partir de là, on saura si Garoppolo aura l'étoffe de reprendre un jour l'attaque des Patriots ou pas. De toute façon, ça sera le juge de paix des Patriots, et puis notamment dès le premier match où on se déplacera en Arizona. Voilà, je vous ai pour 3-4. Une des nouveautés de cette saison pour le podcast, vous l'avez vu, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, si vous n'êtes déjà pas abonné au Twitter du fan club, allez-y vite, @FCFNEP. Nous vous avons posé il y a quelques jours une question pour savoir pour vous quel était le meilleur mouvement de la Free Agency. Et bien, le résultat des votes. Donc, on vous a proposé Jones, Hogan, Tom et d'autres mouvements. Et dans les autres mouvements, évidemment, on pense tout de suite à Bennett. Et c'est les autres mouvements qu'il remporte à 35%. Donc, vous pensez que sur 17 votants, vous pensez que c'est. Le mouvement, sans trop avancer, que c'est le mouvement de Bennett qui est le plus important pour les Patriots cette saison. Écoutez, messieurs, est-ce que pour vous, sur les mouvements qu'on vient d'évoquer, sur les plus gros, est-ce que vous êtes d'accord avec nos auditeurs? Romain? Ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, c'est vrai que effectivement, le mouvement de Bennett apporte vraiment une profondeur à cette équipe. Dans les autres mouvements, peut-être à signaler, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup l'addition de Terrence Knighton au poste de defensive tackle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui était à Washington l'an dernier. Très gros. On va en parler dans quelques minutes, Romain. Ok. Ne spoil pas tout de suite. Et voilà, c'est reparti. Et Ali, ton côté, une réaction sur est-ce que tu es d'accord? Bah écoute, ouais, je suis assez d'accord si on part du principe que Brady, c'était assez prévisible. et que Jones c'était inévitable, je pense que Martellus Bennett c'est voilà, sûrement l'addition la plus prometteuse. Après, comme tu l'as dit, c'est sous réserve que ça marche et qu'il s'intègre et qu'il absorbe le cahier de jeu. Donc voilà, on peut jamais être sûr à l'avance, mais je pense que c'est ce qui est vraiment le plus prometteur pour cette attaque. Sachant que voilà, ce qui nous a fait un petit peu perdre à la fin de la saison dernière, c'est d'avoir perdu l'imprévisibilité, la versatility. Donc je pense que de ce côté-là, c'est vraiment une bonne addition. Bah écoutez, merci messieurs. Nous, on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission où on va parler des autres mouvements dans cette free agency. Alors, nous allons parler des autres mouvements concernant les New England Patriots. Alors, messieurs, je vais passer un peu la liste et puis vous m'arrêterez quand vous aurez envie de parler. On va parler évidemment d'abord release de Scott Chandler et de Brandon LaFell. Bon, je peux obligé de m'arrêter. Romain, un petit mot pour ton regretté. Victoire! Un mot, victoire! Enfin, on est débarrassé de Brandon LaFell et de ses drops. Grosse satisfaction personnelle. Elle lit un mot quand même sur Brandon LaFell qui est quand même resté quelques saisons Ouais, aux bah Patriots. je trouve qu'on est quand même un peu dur avec eux parce que je pense que leur mauvaise saison de l'an dernier a été quand même pas mal conditionnée par leurs blessures. Bon, après, bon, c'était sûrement des mouvements inévitables, mais faut quand même pas oublier concernant LaFell ce qu'il a apporté l'année du titre. Donc voilà, bah, je lui souhaite bonne continuation et je lui souhaite de rebondir. Mais c'est peut-être s'il était peut-être temps effectivement de chercher ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, il a rebondi aux Bengals, si je dis pas de Exactement. bêtises. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a eu la release de Darius Felemi, le linebacker. Ensuite, on a eu effectivement aussi la release de Dan Fletcher, qui est, à mon avis, un petit peu surprenant quand même. Je m'attendais pas à ce que Fletcher parte aussi. Parte, Il n'est pas parti en retraite, si je dis pas de bêtises. Fletcher? Ouais. À vérifier. À vérifier. Mais je sais que voilà, il avait pas mal de problèmes par rapport à sa santé et sa durabilité. Donc ouais, moi je pense que ça serait pas étonnant qu'il soit parti en retraite, que ce soit la raison en fait. Ensuite, on a eu l'arrivée du vétéran Ramon Humber. Ensuite, arrivé quelques jours après, le defensive end Frank Kurse, qui vient, si je ne dis pas de bêtises, des Seahawks. Donc, c'est un mot sur peut-être l'arrivée de ce defensive end, notamment pour anticiper le départ de Jones, qui est arrivé quelques jours après. Est-ce que vous avez un mot sur cette arrivée ou pas, messieurs? Bah, disons que voilà, c'est un joueur qui s'insère dans le mix de defensive lineman. Je dirais pas spécifiquement defensive end, sachant qu'il peut jouer à différents spots. Donc lui comme Marcus Kuhn, ça va être voilà des éléments intéressants à suivre pendant ce camp, sachant que leur salaire comme c'est le cas de beaucoup de joueurs que tu vas énumérer permettent éventuellement de les cuter si ça donne pas satisfaction. Donc voilà, ça peut être potentiellement un bon apport, je dirais. Ensuite, on a eu la re-signature de Nate Ebner, qui est quand même un joueur important, notamment au niveau de la special team. Concernant ce joueur, donc je pense que c'est plutôt une bonne re-signature. En tout cas, on s'assure encore de bons joueurs en special team qui restent avec une défense des Patriots. On est assez solide. Donc ensuite, on en a parlé, les deux trades de Bennett et de Cooper. Et ensuite, on a eu l'arrivée de running back des Chargers, Donald Brown. Alors, messieurs, est-ce que Donald Brown peut faire bouger les lignes dans la depth chart, notamment dans les camps, chez les Patriots? Romain. Moi, j'y crois pas. C'est un joueur que j'ai vu, que j'avais vu, qui jouait à Indiana avant San Diego, et qui m'a jamais vraiment convaincu. C'est pas extrêmement rapide, c'est pas extrêmement fort sur ses jambes. J'ai du mal à dire ce qu'il fait très bien. et n'ayant pas de force particulière, je vois pas bien comment il va pouvoir aller chercher nos running backs actuels, ne serait-ce que Dion Lewis qui va revenir ou même White ou Blount. Ali? Bah écoute, ouais, enfin j'attends de voir quoi, parce que bon, éventuellement sur les qualités qu'il pourrait éventuellement retrouver, mais qui n'étaient plus tellement là ces dernières années, s'il arrive vraiment à se relancer, ça pourrait éventuellement, même si j'ai du mal à l'imaginer, mettre en péril James White. Parce que comme running back, malheureusement, il n'a pas comme pur running back, il n'a pas vraiment démontré. Mais voilà, en dehors de ça, je pense que voilà, il s'ajoute dans le mix et à voir. Je parierai pas ma chemise dessus, quoi, en tout cas. Ensuite, on a eu l'arrivée du linebacker Shane McClain. McLean. McClain, pardon. Alors, moi, je pense que c'est linebacker qui vient des Chicago Bears et plutôt une très bonne addition. Je pense que c'est dans le même esprit que Jabbar Church l'année dernière qui est C'est ton arrivé. nouveau chouchou, Cédric, on peut le dire. Chouchou, je ne sais pas, mais je pense que ça va être une des très bonnes surprises cette saison. Je pense qu'il fera énormément de bien. En plus, on l'a signé pour pas mal d'années, 3 ans là aussi. Donc, je pense que les Patriots et Bill ont vu du potentiel en ce joueur au niveau des linebackers. Et je pense que ça peut être une des très belles surprises cette saison. Bah ouais, je suis assez d'accord. Je dirais que c'est le fait de l'avoir signé 3 ans au montant auquel il a été signé, c'est assez intelligent parce que ça nous éviterait un petit peu la frustration qu'on a eue par exemple avec Hakim Meyers, qui s'est révélé mais qui n'a pas été prolongé, également Hakim X au niveau D-line. Donc je pense que ça peut être une belle surprise, sachant qu'il a pas été très bien utilisé à Chicago, donc je pense que s'il est utilisé plus intelligemment, je pense que ça peut être une bonne pioche. Romain, un avis sur ce linebacker? Ouais, je partage. Enfin, c'est un ancien choix de premier tour qui a, on va pas dire qui a busté à Chicago, mais qui a pas, en tout cas, été utilisé peut-être correctement à Chicago. Et il semblerait que bah, le staff des Pats considère que en le mettant un peu plus en valeur dans un système qui correspond plus à ses forces. Moi, du peu que j'en ai vu, c'est plutôt un joueur mobile et c'est plutôt un joueur qui couvre bien. Du coup, ça pourrait être complémentaire du profil de gars comme Hightower, qui sont plus des mecs en force et dont la couverture est moins, comment dire, la première force. Donc c'est vrai que ça nous amène, en tout cas j'ai l'impression, un profil de joueur qu'on n'a pas ou qu'on a moins. Et donc bah c'est sûr que ça peut être du coup une addition intéressante pour l'équipe. Alors, on va rester quelques secondes sur Chicago pour bah, évoquer quand même un départ aussi des New England Patriots. Et celui-là, je pense qu'il nous fait extrêmement mal parce que je pense que c'était une des révélations de cette fin de saison et qui nous faisait énormément de bien. C'est le départ du defensive tackle X, si j'ai pas de B, Hakim X, C'est qui ça, est, je pense, Hakim X. une grosse, grosse perte de la part des Patriots qui nous faisait énormément de bien, même en termes de sacs et que. Il s'imposait énormément sur cette ligne. Donc je pense que bah, là, c'est aussi un petit regret. Malheureusement, on peut pas signer tout le monde. Un petit regret de ce côté-là de pas pu avoir prolongé ce defensive tackle. Est-ce que vous êtes du même avis, messieurs? Romain, toi qui aimes bien les gros. Ouais, alors. Oui et non, c'est effectivement quelqu'un qui a donné satisfaction. Après, je pense que le fait qu'on l'a pas signé, tiens, pour moi, il y a deux explications. C'est un, je pense qu'ils veulent donner un peu plus de temps de jeu à Malcolm Brown, donc notre premier tour de l'an dernier, qui a été bon, mais qui a été utilisé de manière très parcimonieuse la saison dernière. Et deux, et on va y venir après, c'était la signature de Terrence Knighton. Donc je pense qu'il ne pouvait pas re-signer tout le monde. Et deux DT qu'on va utiliser beaucoup, c'est déjà pas mal, puisque c'est quand même un poste sur lequel il n'y a pas tant de turnover que ça finalement. Ali, toi, ton côté sur ce départ? Bah écoute, ouais, moi je suis assez partagé. Je pense que quitte à choisir à même salaire entre l'arrivée de Knighton et conserver X, j'aurais plutôt penché pour X. Mais apparemment, il a signé pour beaucoup moins. Donc, je pense que c'est quand même un mouvement assez intelligent, sachant qu'on pourra éventuellement drafter et trouver satisfaction voilà, à moindre prix. Donc, je pense que malheureusement, bon, on peut pas garder re-signer tout le monde. Le fait d'avoir perdu Jones et X, effectivement, réduit le potentiel de pass rush, mais on va voir ce que les nouvelles signatures, les nouveaux arrivants et les éventuels joueurs draftés apporteront, mais je ne me fais pas trop d'inquiétude là-dessus. Alors Romain, tu en as parlé, tu vas pouvoir t'exprimer là-dessus. Arrivé de ton nouveau jeu, Terrence Knighton aux Patriots en tant que defensive tackle. Alors Romain, dis-nous tout, Knighton. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une signature un peu qui est passée sous le radar, mais vraiment que j'apprécie. Ancien joueur de Denver, ancien joueur de Washington l'an dernier. Pour donner une idée du gabarit, c'est un joueur qui a plusieurs surnoms qui sont tous des surnoms d'aliments. Donc c'est plutôt un gros. On l'appelle entre autres pot roast, qui est en gros une spécialité de bœuf. On l'appelle aussi côte d'agneau. Voilà. Donc c'est un joueur qui fait plus de 160 kilos, mais qui est extrêmement athlétique pour son poids. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour un gros, justement, bouge très bien et justement arrive à être très bon en couverture, en tout cas pour un defensive tackle. Et contre le run, c'est vraiment un des meilleurs DT que j'ai vu. Vraiment un profil intéressant. Pour moi, il me rappelle un petit peu, en moins fort bien évidemment, mais c'est un peu le même genre de profil qu'un Will Fork. Et je trouve que ça Oui, peut je nous faire pense aussi beaucoup de que bien. Terrence Knighton, tu fais une très bonne signature. Je suis du même avis que toi. Romain, qui va beaucoup, beaucoup nous apporter sur cette ligne défensive. Ali, ton avis sur cette Bah arrivée? écoute, déjà, a priori, c'est un fan des Celtics, donc je peux pas trop en dire de mal. Mais ouais, bah, ça peut être une bonne acquisition. Ce que je regrette seulement, c'est qu'on ne l'ait signé qu'un an. Mais sachant que voilà, on va perdre également Alan Branch, si je dis pas de bêtises, l'an prochain, donc il risque d'y avoir pas mal de turnover. Donc, ouais, je pense que ça peut être un apport intéressant. Plus intéressant déjà que Dominique Kisley, ça c'est sûr. Et donc, ouais, je pense que c'est une bonne signature. Est-ce que c'est parce qu'il a ses deux genoux que ça sera plus intéressant? Ah, ça, forcément, oui. Alors bon, tu en as parlé Ali, et on rend hommage encore à notre président qui nous l'avait bien dit, le départ de Dominique Kisley. Le joueur qui a fait quelque chose, on va dire, aux Patriotes, mais voilà. L'étoile filante des Exactement, l'étoile Patriots. filante qui est revenu qui a été blessé, qui est quasiment, on va dire, jamais revenu de blessure parce qu'il a été souvent à l'infirmerie. Ensuite, donc concernant les autres arrivées, concernant des Patriots, l'arrivée de Nate Washington, le receveur vétéran des Houston Texans. Alors, est-ce que Nate Washington va pouvoir apporter de la concurrence pendant les camps? Romain. Ouais, c'est un joueur que j'ai vu un petit peu l'an dernier en live, que je connaissais déjà, qui jouait, je crois, à Tennessee, fut un temps. C'est un joueur intéressant. Bon, après, ça sera jamais un All-Pro, ça sera jamais un Pro Bowler. C'est un joueur qui a, je crois, déjà 32 ans, mais des bonnes mains, plutôt des tracés relativement sûrs. C'est plutôt voilà, c'est une bonne valve de sécurité pour apporter de la concurrence, on va dire. Pour moi, il est numéro 4 à ce stade derrière Amendola, Edelman et Hogan. Mais c'est quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose sur 2-3 points importants dans la saison. Ali, ton avis? Ouais, je suis assez d'accord. C'est un profil qui fait peut-être un peu doublon avec Martin, Keshawn Martin. Du coup, je ne sais pas lequel des deux restera, mais en termes de concurrence de camp, c'est clairement une bonne addition. C'est un bon gars, professionnel, et mature. Donc, voilà, ces caractéristiques de jeu, ouais, ça peut être. S'il arrive à rester dans les 53, ça peut être un peu tout. dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que les tight ends vont avoir tendance à focaliser un petit peu le jeu, donc il y a pour un joueur comme lui. Non, mais ça peut être intéressant. On va voir au niveau de des comment tout ça va se passer. Ensuite, donc côté signature du côté des New England Patriots, on a eu la signature du defensive back provenant des Philadelphia Eagles, A.J. Bigger. On a reçu aussi l'arrivée du nouveau d'un tight end provenant des Jacksonville Jaguars, Claiborne, qui va approfondir aussi hein, de la concurrence et de la profondeur au poste de tight end. La signature des linemen défensifs provenant des Giants, Marcus Kuhn, qui va apporter, on en a rapidement évoqué, de la concurrence là aussi sur la ligne défensive. La re-signature de Tyler Caffney, qui revient de blessure, qui va apporter là aussi de la concurrence au niveau du camp, et notamment aussi la re-signature du running back, LeGarrette Blount. Alors, monsieur, est-ce que c'est une bonne chose que Blount soit de retour dans l'effectif? Romain? Moi, je suis pas vraiment convaincu. Je trouve qu'il a quand même, il a vraiment marqué le coup l'an dernier. Je parle pas simplement de sa blessure à la hanche, je crois, ce qui est jamais très rassurant pour un running back, parce que généralement, c'est quand on commence à avoir ce genre de blessure, c'est qu'on commence à être un petit peu vieux. Mais au-delà de ça, je l'ai trouvé pas très explosif, pas très, voilà, un peu. Ce côté un peu puissant qu'il pouvait avoir les saisons précédentes, je trouve qu'il l'avait un petit peu perdu l'an dernier. Alors on peut dire que c'est un coup de mou, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il commence à baisser un peu de nez et j'aimerais bien qu'on puisse trouver quelque chose d'autre au poste de running back que LeGarrette Blount. Ali, ton avis sur la re-signature Blount? Moi, je trouve qu'on est assez sévère en général avec lui, parce que je pense que ses stats parlent pour lui quand même si il n'est pas toujours très, très impressionnant. Et aussi, l'an dernier, si je me rappelle bien, il s'était blessé alors que, enfin, vraiment au mauvais moment. C'est-à-dire que je crois qu'il, enfin, il était, enfin, il était parti sur les bases d'un match à 100 yards ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment le match où il commençait à revenir. Donc après le re-signer au prix où on l'a re-signé, je pense que ça apporte de la flexibilité. Dans le sens que, ouais, effectivement, si on peut trouver dès cette année quelque chose de mieux en pur running back entre les tackles, ça serait pas plus mal. Mais je veux dire que ça mitige le besoin. Après, on verra pendant le camp enfin, ce qui lui reste. Mais je pense que ça peut. C'est une bonne assurance pour ce poste, en tout cas. Moi, je pense Faute que de c'est une mieux. si... faute de mieux, je pense que c'est une signature pour le camp et que voilà, il revient de blessure. À voir ce qu'il va donner pendant le camp et des décisions prises, je pense, seront prises à ce moment-là. Est-ce qu'on le conserve après le camp? C'est pas sûr parce que potentiellement, si on recrute un running back haut placé dans la draft, même si c'est qu'à partir du deuxième tour, potentiellement, la garde plot ne peut pourra être cutée au niveau du camp. En tout cas. Ceci est une affaire à suivre. Et concernant après les derniers mouvements, le départ de Creed Jones et de Kitchen et l'arrivée de Stewart et de Yant. Voilà, on a fait le tour de tout ce qui s'est passé pour les Patriots concernant cette free agency. Nous, on va passer à ce qui va se passer d'ici quelques jours et on va parler maintenant par rapport à ce qui s'est passé pendant la free agency, des besoins qu'on va avoir au niveau de cette draft. On est mardi soir où on enregistre ce podcast et dans 2 jours va se dérouler la draft de la NFL. Alors, au niveau des Patriots, nous allons évoquer les besoins. Que sur le recrutement au niveau de cette draft, quel type de joueur doit viser les New England Patriots sur cette draft? Alors, on va parler notamment de la ligne offensive, par exemple. En tout cas, selon certaines rumeurs, les derniers scouts, les Patriots, pour leur deuxième tour, viseraient un strong safety et un linebacker. Après, ce ne sont que des rumeurs, bien sûr. à l'approche de cette draft. Il y en a beaucoup, donc c'est à prendre énormément avec des pincettes. Mais en tout cas, messieurs, pour vous, quels sont les postes que les Patriots doivent viser concernant cette draft? Romain. Alors, on en parlait un tout petit peu avant d'enregistrer. Pour moi, il y a deux besoins relativement importants et un troisième un petit peu moindre. Je dirais le premier besoin, c'est vraiment l'intérieur de la ligne offensive. Donc, les deux postes de garde, enfin un seul puisque maintenant on a Cooper dont on espère qu'il va pouvoir prendre titulaire et éventuellement un centre parce que je suis pas convaincu non plus par Stork. Pour moi, un running back un peu costaud qui pourrait faire ce que Blount, à mon avis, est plus forcément capable de faire. Et le troisième besoin un peu moins important, ça serait un deuxième corner pour jouer derrière Butler. Voilà, sachant que compte tenu du fait que nos deux premiers choix sont, je crois, on a deux choix autour de la 60-65e place. Je pense qu'on doit pouvoir, prendre un running back et un joueur de ligne, mais le corner, ce sera beaucoup plus compliqué. Ali, ton avis, toi qui es spécialisé de la draft, quels sont les besoins et qu'est-ce qu'on va pouvoir recruter les Patriots, notamment en tout cas sur ce deuxième tour? Bah écoute, moi je trouve que la free agency, enfin d'une manière générale, a permis de mitiger pas mal les besoins. Donc ce qui va nous offrir une certaine flexibilité qui va nous permettre, je pense, d'aller aux meilleurs joueurs disponibles, sans forcément avoir une idée prédéfinie sur un poste en particulier. Mais je dirais que lineman intérieur, je sais pas trop, faudrait voir ce que Dante Scarnezza a derrière la tête avec tous ces joueurs qui ont été draftés ces deux dernières années, qui l'ont été sous ses conseils. Donc je sais pas vraiment ce qu'il pense de tout ce groupe et ce qu'il espère en tirer, notamment avec l'arrivée de Cooper. S'il y a effectivement un garde voilà, qui a un niveau tel qu'on ne puisse pas passer à côté, pourquoi pas. Mais sur le poste de cornerback, je suis assez d'accord. Éventuellement un cornerback capable de concurrencer Logan Ryan, sachant qu'il sera en fin de contrat à la fin de la saison et que Butler n'est toujours pas prolongé. Après running back, ouais, effectivement. Après, tout dépend, voilà, du moment où de la draft où on compte en récupérer un, sachant que voilà, donc il y a pas mal de profils et j'ai vu aussi que la draft 2017 était assez riche. Donc, est-ce qu'ils vont investir lourd dès cette année ou attendre la prochaine? Je sais pas, mais voilà, je pense qu'on va aller plutôt sur les meilleurs joueurs disponibles de manière générale. C'est mon point de vue. Après, effectivement, je pense que côté ligne offensive, il y a des choses à revoir. Je pense que c'est de ce côté-là, surtout que il me semble que cette draft est assez fournie en joueurs de ligne offensive. Donc, que ce soit un garde ou que ce soit même un tackle, je pense que ça sera intéressant, notamment pour compenser le retour de blessure de Vollmer, par exemple, quand on a vu qu'un canon faisait relativement défaut. Je pense que de ce côté-là, effectivement, il y a un certain besoin. Après, côté running back, c'est toujours l'éternel manque de running back du côté des Patriots. Est-ce qu'il faut viser cette draft? Peut-être. Et peut-être qu'il peut y avoir une ou deux surprises, un ou deux running back qui peuvent descendre assez bas, étant donné que, comme tu le dis, Ali, 2017 sera assez importante au niveau des running back. Alors justement, peut-être qu'un des running back 2016 peut descendre assez bas au terme, parce que chaque équipe peut être frileuse. Ouais, effectivement, c'est pour ça que je dis qu'on part sans vraiment d'a priori. Je sais que Romain aime bien Derrick Henry d'Alabama, ce qui, ouais, enfin, il serait difficile de pas l'apprécier. Par exemple, si... Mais je trouve que pour notre système, c'est vraiment le genre de joueur dont on aurait besoin, puisque des running backs qui attrapent les ballons, enfin, qui sont capables de recevoir, on a. Mais ce qu'il nous faut, c'est vraiment un mec, un tronc, quoi, quelqu'un qui soit vraiment capable d'aller tout droit et d'attraper les yards vraiment en puissance. Et c'est Derrick Henry, quoi. Ouais, c'est ça, et d'autant qu'il n'est pas complètement non plus dégueulasse avec ses mains en tant que pass catcher. Je l'ai vu pas mal attraper de passes à Alabama, donc c'est pas non plus sa spécialité, mais ça apporte effectivement de la versatility. Donc, ouais, effectivement, typiquement, si un joueur comme ça tombait dans les 60, ça pourrait valoir le coup. Après, on me parlait d'un strong safety, notamment dans certaines rumeurs. Pourquoi pas? Je pense à un certain Sean Davis qui est beaucoup ressorti en termes de nom. Après, ce que je trouve intéressant, ça peut être surprenant, mais linebacker n'est pas un choix surprenant pour moi. Faut pas oublier que on va avoir Etower qui fait par plus Collins en tant que free agent l'année prochaine. Est-ce qu'on va pouvoir signer tout le monde? Pas sûr. Donc aller drafter un linebacker, je ne trouve pas ça inintéressant. Aller chercher un linebacker dès le deuxième tour pour potentiellement compenser un départ de Hightower qu'on ne pourra forcément pas re-signer au prix fort s'il n'accepte pas de baisser son salaire. Je pense que ça peut être intéressant. Après, effectivement, peut-être un defensive end pour compenser le départ de Jones. L'éternel receveur de longue passe qu'on pourrait avoir chez les Patriots, mais ça, je pense que ça sera plutôt vers la fin. Mais c'est vrai qu'au final, avec une free agency plutôt judicieuse, on se retrouverait presque à prendre en fait le meilleur joueur disponible et être à l'écoute de trade aussi. Même si on est au deuxième tour, de l'écoute de trade down parce que 2017, on est pour moi un peu court et 2017 s'annonce être une draft plutôt intéressante à date. Alors on en est encore loin, bien évidemment, mais peut-être qu'effectivement, par le jeu des trades, encore on va réussir à se renforcer l'année pour l'année prochaine et juste apporter 2-3 touches. Surtout qu'au final, les Patriots là où ils sont bons, c'est après la draft et recruter des joueurs qui n'ont pas été draftés. Dois-je vous rappeler, Butler notamment n'est pas un joueur, n'a pas été drafté. Vous parliez de Stokes en centre, mais aussi Andrews qui a fait plutôt une saison intéressante, qui a été non drafté. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Logan Ryan est un joueur non drafté. Donc tous ces joueurs, les Patriots savent aller en chercher. Donc ça peut être intéressant. Je pense que tu voulais parler de Darryl Roberts, peut-être. Logan Ryan a été drafté. Je pense que c'est Darryl. Ou non, il est même lui, j'ai dit des bêtises. C'était 7e tour. Mais voilà, comme quoi, disons que les Patriots arrivent à trouver de la valeur à que ce soit en fin de draft ou après la draft. Donc, sachant qu'on est aussi connu pour avoir un système de détection assez peu convaincant, enfin comment dirais-je, enfin assez spécifique par rapport au reste de la ligue. Du coup, des fois, on est effectivement surpris de voir des joueurs sortir assez tôt alors qu'ils étaient un petit peu sous le radar. Et a fortiori, des fois, on a de belles acquisitions en fin de draft. Voilà. Non, donc je pense qu'ils sont des joueurs. Il y aura pas mal à surveiller, mais je pense qu'encore les Patriots peuvent nous surprendre en bien ou en mal. Et puis évidemment, on a oublié un besoin qui tient à cœur notre cher président, c'est on est obligé de drafter un joueur qui sort d'une saison blanche et d'une grosse blessure. Évidemment, bah, sinon le président s'ennuierait. Sinon, il s'ennuierait. Donc je pense que ça serait intéressant de ce côté-là, effectivement, de drafter un joueur qui sort d'une saison blanche et. Bah, là, si vous voulez, on en a un bon cette année. Il y a Jalen Smith Ouais, j'allais dire, qui ouais. a une saison blanche à prévoir, qui Ça... sinon aurait sans doute été top 3 ou top 4, mais Ouais, ça serait un pari qui arriverait encore plus le presse parce qu'on n'est même pas sûr qu'il il rejouera. rejouera, ouais, Ouais, parce qu'il voilà. a plus de nerfs dans un cerveau, ouais. Ouais, c'est malheureux. Donc, côté, en tout cas, on suivra ça avec attention et nous on en parlera dans le prochain podcast où on analysera cette draft et les joueurs qui ont été récupérés par les Patriots ou d'éventuels trades ou d'autres surprises qu'il pourrait y avoir. Eh bien, en tout cas, nous messieurs, on va attaquer la dernière partie de l'émission où on va parler très rapidement de la NFL en général et je vous demanderai un élément marquant de cette free agency. Voilà, pour cette dernière partie d'émission, nous allons rapidement parler de la Free Agency NFL où je vais vous demander, messieurs, un élément marquant concernant cette Free Agency. Moi, je vais commencer avec ce qui s'est passé en début de Free Agency, c'est la signature d'Osweiler au Houston Texans. À la fois, les Bill O'Brien et les Texans récupèrent un franchise quarterback et de l'autre côté, les Broncos, à date, n'ont plus de quarterback, si ce n'est Mark Sanchez. Et en même temps, les Texans ont fait aussi signer Lamar Miller. Donc, une franchise qui change à la fois son QB et son running back, c'est quelque chose d'assez rare en NFL. Romain, pour toi, qu'est-ce qui a été marquant dans cette franchise? Je vais prendre un move assez récent, la signature de Josh Norman avec Washington. Donc d'un côté, on a Carolina qui en annulant le franchise tag, perd son meilleur cornerback et peut-être son seul cornerback compétent. Et d'un autre côté, on a Washington qui se renforce considérablement et qui est presque le favori pour la NFC Est cette année, avec vraiment un secondaire de bien meilleure qualité. Ali, pour toi, qu'est-ce qui a été marquant en NFL ? Bah, disons que moi personnellement, de manière générale, j'aime pas trop ces périodes de free agency où il y a un peu une inflation irrationnelle des salaires. Donc j'ai retenu un move en particulier qui m'a bien plu, c'est celui du cornerback Shane Smith de Kansas City qui a signé aux Raiders. Pourquoi ? Parce que c'est une franchise en pleine reconstruction et je trouve que ce deal est assez intéressant dans cette optique-là, parce que je crois qu'il a été signé pour 9,5 millions annuels et c'est potentiellement un cornerback numéro 1. Donc je pense que c'est un assez joli deal. C'est peut-être pour moi le meilleur move de cette intersaison. Alors après, pendant cette intersaison, on aurait pu parler des gros contrats de Vernon Davis, ou John O'Reilly Jenkins, au Giants. Je sais que Romain apprécie particulièrement cette signature, non pas parce qu'ils ont signé au Giants, mais potentiellement parce qu'il y a un risque de bust et que ça peut pénaliser les Giants pour pas mal d'années, n'est-ce pas Romain ? Oui, j'annonce John O'Reilly Jenkins bust de l'année. Voilà, on va voir si ça se confirme. Mais voilà, écoutez, messieurs, il me reste à vous remercier en tout cas pour cette émission et merci d'avoir participé pour cette reprise du podcast. Bah, merci à toi de nous avoir invités bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Voilà, moi il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne semaine, une bonne draft NFL et n'oubliez pas le fan club français des New England Patriots partout, toujours. Bonsoir. I'll bet. time to, it's work, and I'll patch up this cut.